sur un de ce que nous étions, à la trace bigarrée d'un crépuscule serein. Je te loue aussi aux morts, comme un enfant qui célèbre un pardon inattendu, comme un martyr qui discerne l'éternité dans son agonie, comme un forçat prouvant son innocence. Autrefois, les troupes tombaient en tremblant sur ton chemin, s'agrippant à l'esclavage de leur peur, s'inclinant devant l'égoïsme le plus rusé. Ta présence résout l'hésitation. Je méprise les peurs du temps de spectre et je nage face aux courants les plus ardus de la candeur de mon désert. J'attends. Tu me conduiras dans une immense prairie, irriguée par les eaux d'un ange vierge, où homme et bête peut baisser dans son main. Mon cœur s'emballe lorsque j'entends ta mélodie. Tu ouvriras doucement les portes de ma descendance et tu me parleras de manteaux de bonheur débordant. Je verrai Christina me recevoir avec des bouquets de glaïeul à la main, et nous nous embrasserons comme autrefois. Fatiguée de ces jeux, je la verrai sauter de la plage et reposer sereinement sur mes genoux. Avec des bouquets de glaïeul à la main, et nous nous embrassons comme autrefois. Fatiguée de ces jeux, je la verrai sauter de la plage et reposer sereinement sur mes genoux.